cours numéro 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa l'aqibatu lil muttaqin, wa la'udwana illa ala al-zalimin, wa ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Qala al-imam ibn Hibban, rahimahullahu ta'ala, dhikru الحث على صحبة الأخيار والزجر عن عشرة الأشرار. Le 15e chapitre من هذا الكتاب النفيس روضة العقلاء dans les bons comportements, il a cité donc ذكر الحث على صحبة الأخيار, l'importance de fréquenter الصالحين, les gens pieux. Et le danger, la gravité de fréquenter des mauvaises personnes. On est toujours dans ces chapitres concernant les fréquentations. Al-ulama donne beaucoup d'importance à hadhal bab, à tout ce qui concerne les fréquentations. Limadha li'annahu, c'est lié directement au bon comportement. Celui qui fréquente des gens de science, des gens pieux, des gens avec un mauvais comportement, ça va avoir un effet sur lui. Ou bil aksu, celui qui fréquente al-kuffar, ou ahlul bid'a wa dalal, ou al-fussaq, tous ceux qui sont écartés de la vérité, ça touchera كذلك son comportement. فالمرء يتأثر والصاحب ساحب كما يقولون. أن l'être humain, il est touché par son environnement, par les gens qu'il côtoie, par l'endroit où il vit. فلهذا العلماء ils insistent جدا في هذا الباب, في باب الأخلاق, أن ces bons comportements, ils sont liés forcément aux fréquentations et au mujtama dans lequel hadha l'insan vit et son environnement. Bal Allah subhanahu wa ta'ala qala fi al-Qur'an al-Karim fala taq'ud ba'da al-dhikra ma'a al-qawmi al-zalimin. Fa Allah subhanahu wa ta'ala nahana. Pourquoi? Li'anna fréquenter al-zalimun, al-mujrimun, encore plus grave, al-mushrikun, al-kafirun, لا شك أنه سفر beaucoup de mal au mu'min في دينه وأخلاقه. Et في الحقيقة ce باب il est encore plus vaste que les bons comportements. Ça n'affectera pas que son comportement, بل ça peut toucher son دين. فكم من الناس ضاعوا وانحرفوا بل بعضهم عيادا بالله كفروا. Pourquoi? À cause de certaines fréquentations. À cause dans un environnement dans lequel où هذا الشخص il vit et il y a beaucoup de choubouhad et il est touché, ça lui fait du mal dans son din, dans sa foi. تأمل قوله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. تأمل cet homme, cette personne qui regrettera يوم القيامة يعض الظالم على يديه. Certains se morderont les doigts يوم القيامة, le jour du jugement. Pourquoi? يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أنهم ils ont délaissé la voie du prophète عليه الصلاة والسلام. ثم dans le verset suivant Allah سبحانه وتعالى il a démontré la cause pourquoi هؤلاء ils ont délaissé la voie du prophète عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. Une des causes ان هؤلاء ils ont des mauvaises fréquentations. Cette personne elle regrettera يوم القيامة d'avoir délaissé la voie du prophète عليه الصلاة والسلام. Et la cause c'est هذا الخليل, un ami proche. Ya waylata laytani lam attakhid, si seulement je n'avais pas pris un tel comme confident, comme ami proche. Qala azza wa jal, toujours en parlant de Haoula, لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا سنمتخ quoi؟ سنمتخ أن صاحب السوء, la mauvaise fréquentation, elle peut nous écarter des bons comportements, بل elle peut écarter المر ونسأل الله الثبات, elle peut l'écarter du din. قال عز وجل en parlant de هؤلاء, لقد أضلني عن الذكر أي عن الدين, الذكر أي القرآن, la voix du prophète محمد عليه الصلاة والسلام. Une des causes أن بعض الناس يدلس cette voix, c'est une mauvaise fréquentation. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح, المرء على دين خليله. Chacun de nous, on a la religion de notre khalil, de notre ami. فلينظر أحدكم من يخالل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى جميع الأمة, il a conseillé toute la communauté, faites attention avec qui vous marchez, faites attention qui vous fréquentez. لماذا؟ لأن vous aurez le même dîn que lui. الأرواح جنود المجندة. نعم, en général الإنسان il marche avec quelqu'un qui est comme lui, qui le ressemble. وإلا الإنسان لا يرتاح, il ne peut pas rester fréquenté, avoir comme ami quelqu'un qui n'a pas les mêmes bases que lui, les mêmes idées que lui, les mêmes opinions que lui, le même din que lui. Et c'est ce qui nous importe, هنا نحن, الدين. مع هذا, المؤمن يقوى مع إخوانه. المؤمن, il est plus fort avec ses frères. يد الله على الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية قال ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة. حتى celui qui s'écarte من صلاة الجماعة il est en danger. لماذا؟ لأنه il peut se retrouver seul sans ses frères et الشيطان il essaye de lui faire du mal. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بالجماعة, أي des fréquentations qui te feront du bien, أخي الكريم. قال عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. ثم النبي صلى الله عليه وسلم il a cité cet exemple, أن الذئب يأكل من الغنم, أي le loup quand il atteint qu'un troupeau, en général il mange quelle bête? Il mange la bête qui est isolée, القاسية. فهكذا المؤمن. الحديث كم vient de citer صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه. هكذا المؤمن qui s'écarte et qui reste seul, il est en danger كذلك. وهكذا المؤمن qui fréquente des mauvaises personnes, هذا il est encore plus en danger. فلهذا الإمام ابن حبان رحمه الله عقد هذا الباب, il a cité ce chapitre pour montrer l'importance de صحبة الأخيار, d'avoir des bonnes fréquentations et ne pas tomber dans l'excès. بعض الناس مثلا تقدم معنا هذا في العزلة, بعض الناس كأنه il n'y a plus de frères الآن qui sont à la haq, il n'y a plus de mu'min qui font des efforts, ils veulent s'isoler, كأنه il n'y a plus de khair. هؤلاء en s'isolant ils peuvent être en danger, comme on l'a vu dans un des chapitres précédents. فلهذا قال الحث على صحبة الأخيار. كذلك on fait attention à ne pas fréquenter n'importe qui, encore plus à notre époque. لأن كثيرا من الناس se sont écartés du din. فحذر فحذر من الأشرار, des gens mauvais. قال رحمه الله أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي عن شعبة عن قتادة. أتنبيه هنا. Quand on lit les Asanides, vous avez remarqué que je rajoute le mot qal. Ça, c'est important. Comme nabbaha al-ulama ahlul ilm. Et al-ulama al-Ethiopi, rahmatullah alayhi, qui est mort il y a quelques mois, parmi les savants de Mecca, rahimahullah, il a un kalam jamil fi hada. Anna, avant haddathana, tu dois dire qal. لماذا؟ لأن si tu mets pas qal, c'est comme si il t'avait haddat ant. فمثلا, si on reprend qal, haddathana ubaydullah, Ibn Mu'ad, Ibn Mu'ad, Al-Ambari. Qala, ana j'ai dit Qala, haddathana abi. Ay, Ubaydullah, il a dit haddathana abi. Ay, mon père, il m'a informé. Si on dit pas Qala, nahnu, on dit haddathana abi. C'est comme si c'est mon père qui m'a informé. Wa hada la shak annahu, c'est pas sawab. Lire les asanid, kadalik, c'est du ilm. Il y a une façon de les lire. Et هذه الفوائد تدرس pour les apprendre, pour les connaître. في كتب مصطلح الحديث العلماء يذكرون خيرا في هذا الباب. قال حدثنا أبي عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح مثل العطار إن لم ينلك منه أصابك من ريحه ومثل الجليس السوء مثل القين القين سي يا نوتر رواية من هذا الحديث كي اكسبليك هذا أي كنافخ الكير نافخ الكير سي الحداد لو فورجورون قال إن لم تصبك ناره أصابك شرره الحديث هذا إلى صحيح اي لا فيرسيون في صحيح البخاري et Sahih Muslim, An Abi Musa Kadalik, et avec des mots différents. On peut la lire. Qala sallallahu alayhi wa sallam, ina mathalu al-jalis salih wa al-jalis su, ka hamil al-misk. Hamil al-misk, c'est l'attar, et le vendeur de parfum. Fa, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité hadha al-mithal al-azim, pour montrer les bienfaits des bonnes fréquentations, et le danger de fréquenter des mauvaises personnes. Fa, il a comparé, alayhi sallatu wassalam, الجليس الصالح الجليس ça vient du mot jalasa yajlis الجليس c'est quelqu'un avec qui tu t'assois hein une personne que tu fréquentes فالجليس الصالح si cette fréquentation c'est une fréquentation c'est un homme pieux فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فحامل كحامل المسك c'est comme un vendeur de misk de parfum قال إما أن يحذيك إما il va te faire sentir هكذا هذا معروف عند العطارين أن quand tu es proche ils te font sentir des parfums ils en mettent un peu sur ta main إما tu vas profiter قال وإما أن تبتع منه إما tu vas acheter directement du parfum et tu vas profiter على كل حال tu profiteras toujours إما une bonne odeur إما il te fera sentir il t'en donnera un peu إما tu achèteras قال ونافخ الكير ça c'est les mauvaises fréquentations نافخ الكير ceux qui travaillent في الحديد les forgerons. قال إما أن يحرق ثيابك. Si tu t'approches, tu risques de brûler tes vêtements. لماذا لأن avec les meuleuses etc. تعلمون أن il y a des étincelles qui vont de partout et ça peut toucher un de tes vêtements et faire un trou. قال وإما أن تجد ريحا خبيثة. Même si tu n'es pas brûlé toi-même ou ton vêtement, là chacun الصوت يزعج. Le bruit. Et كذلك النبي صلى الله عليه وسلم il a informé الريحة. Il y aura une mauvaise odeur. Et tu peux salir tes vêtements, etc. فهذا مثل عظيم que le prophète صلى الله عليه وسلم il a cité. Et si on revient à notre mas'ala, الآن tu comprends cette image que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a donné, c'est pour te montrer l'importance de préserver ton cœur. وإلا ça serait la mauvaise fréquentation, elle te ferait du mal qu'à ton vêtement seul. Un vêtement, ça se change, ça se remplace. Lakin al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné ce mithal pour montrer la gravité de hadha al-jalis. Elle peut faire beaucoup de mal à l'insan. Comme on l'a cité al-Adilla fi al-Qur'an et un hadith min al-Sunnah. Plus le hadith que l'imam Ibn Hibban, il a cité. Qala Abu Hatim rahimahullah, al-aqil yalzam suhbat al-akhyar, wa yufariqu suhbat al-ashrar. لأن مودة الأخيار سريع اتصالها بطيء انقطاعها ومودة الأشرار سريع انقطاعها بطيء اتصالها نعم فالعاقل celui qui veut du khair pour son din celui qui veut avancer celui qui veut éviter المشاكل les problèmes la perte de temps إلى آخره فإل doit faire cet effort يلزم صحبة الأخيار ويفارق صحبة الأشرار. Ça nous montre qu'on doit faire des choix. En tant qu'être humain, on est exposé à rencontrer des gens, que ce soit dans la rue, que ce soit au travail, que ce soit au masjid, que ce soit dans n'importe quel endroit dans la rue. Ihdhar, de ne pas suivre n'importe qui, de ne pas écouter n'importe qui, de ne pas prendre pour ami n'importe qui. Al-mu'min, il doit être zaki, kayyis, fatin. Encore plus à notre époque. Encore plus à notre époque. Amma à l'époque, kana al-khayr ghalib, ghaliban muntashir dans al-mujtama'. Et plus on s'approche de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus il y avait du khayr. Leur époque, c'était la meilleure époque. Comme a dit le Nabi alayhi salatu wa sallam, khayrun nas qarni. À leur époque, alhamdulillah, il y avait énormément de khayr. C'était le meilleur mujtama', le meilleur peuple qu'il n'y a jamais eu sur la terre. Le prophète alayhi salatu wa sallam et ses compagnons. Et plus on s'écarte de cette période dans laquelle la révélation elle est descendue, plus الشر il augmente, le mal il augmente. Et nous, on vit à une époque où il y a énormément de shor, énormément de afkar, des idées, des pensées très dangereuses, énormément de bid'ah, bel, énormément de kufr qui s'est répandu. Enfin, l'insan, s'il ne fait pas attention, s'il ne fait pas attention avec qui il marche, qui il fréquente, rubbama yadhur nafsa. Qala rahimahullah. لأن مودة الأخيار سريع اتصالها بطيء انقطاعها. نعم, si tu fréquentes الأخيار, الأخيار ça vient du mot خير, et celui qui a du خير. Et là, c'est qu'un الخير c'est الدين, c'est la religion. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. تأمل ce hadith, hadith معاوية رضي الله عنه في الصحيح. من يريد الله به خيرا, si Allah subhanahu wa ta'ala veut à quelqu'un al khayr, du bien, yufaqihu fi din. Fa ça nous montre hada anna celui qui a du khayr, al akhyar, ceux qui ont du bien, forcément c'est que ils ont du din. Et s'ils ont du din, fa forcément ils ont shay min al ilm. Ça dépend chacun par rapport aux efforts qu'il a fait. Fa ala kulli hal, al akhyar haula sari'un ittisaluha ay al mawadda. Tu l'aimeras très vite. Limada, Liana, il a des choses qui font que tu peux que l'aimer. C'est ton frère fillah, un bon comportement. Il te conseillera, il t'aidera, il s'entraidera ma'ak. Enfin, tu l'aimeras, bi'idnillahi azza wa jal, assez vite. Qala bati'un inqita'uha. Et le fait de rompre les liens avec hada al-khayr, ça sera difficile. Ma'a anna, on n'est pas à l'abri. Ma qala ibn Hibban rahimahullah, c'est impossible. Qala bati'un. Al-bot, c'est quelque chose de lent, qui va très doucement. Donc, rompre les liens avec Haoula, c'est difficile. Amma al-ashrar, sari'un inqita'uha. Ce lien peut se couper très vite. Limada li'anna al-sharrir, al-ashrar, ça vient du mot shar. C'est le contraire, c'est l'opposé de l'khayr. Haoula, rabbama, s'il n'a plus besoin de toi, ou la moindre des choses, il peut rompre les liens. Al-Hajr, il ne fait plus attention à toi, etc. Qala bati'un ittisaluha. Na'am. L'inverse du premier cas. Qala wa suhbatu al-ashrar tourithu su' adh-dhann bil-akhyar wa man khadana al-ashrar lam yaslam min ad-dukhul fi jumlatihim. Kalamun jamil. Suhbatu al-ashrar tourithu su' adh-dhann bil-akhyar. Même si l'insan il a du khayr, si il fréquente des mauvaises personnes, voilà, chacun a les gens, ils auront des doutes sur lui. Les mains là, ils marchent avec Foula. S'il n'est pas comme eux, pourquoi il reste avec eux? Mal insan, il fait du mal à son honneur, les gens, ils ont plus confiance en lui, etc. Il se fera du mal. Qala, wa man khadana al-ashrar lam yaslam min ad-dukhul fi jumlatihim. Et كذلك, يعني au départ, on a dit, il peut avoir du bien, il fréquente des mauvaises personnes. Et les gens, ils vont avoir des doutes sur lui. Et s'il fréquente ces mauvaises personnes, kadhalik, ça lui fera du mal. Au début, il sera à la khair, et avec le temps, petit à petit, il se fera du mal. فَلِهَذَا قَالْ وَمَنْ خَادَنَ. Celui qui marche, al-khadin, c'est celui qui est toujours avec quelqu'un. قَالْ لَمْ يَسْلَمْ مِنَ الدُّخُولِ فِي جُمْلَتِهِمْ. نَعَمْ لَمْ يَسْلَمْ قَلِيلًا قَلِيلًا. خطوه خطوه. Et من هنا نستفيد une فائده très très importante. احذر de ne pas te mélanger avec l'ashrar sous prétexte de leur montrer la vérité et d'essayer de leur montrer la guidée, etc. Tu n'es pas à l'abri. Là, ça ne veut pas dire qu'on ne leur fait pas de da'wah. N'tabihou. Il y a une différence entre faire da'wah, même à des kuffars, même à des foussaq, à des gens qui font des péchés, ben on doit leur faire da'wah. Lakin ta'ammal huna qal wa man khadan. Man khadana, c'est quelqu'un qui lazim, al-mulazama, a une fréquentation régulière, il est souvent avec eux, il a arrêté. Fahada, au départ, même s'il a l'intention de leur faire da'wah, hum kadhalik, ils lui feront da'wah. Kamina al-nas, ils sont rentrés avec ba'd al-fussaq, des sorties, ba'dhum des soirées et manger dans tel endroit, ma'ahum, etc. Au début, je vais leur montrer, etc. Thumma, petit à petit, yad'uf, et il devient comme eux. Limadha li'annahum kadhalik, ils vont faire da'wah. Matalan, le huwa, il va leur dire telle chose, c'est haram. Et un autre, il va lui dire, mais ne sois pas trop dur, min hadhal bab. Thumma, yad'uf, et il va faiblir. Thumma, il aura cette habitude de le fréquenter, il va apprécier certaines choses, il aura du mal à les délaisser. S'il les délaisse pas, ils seront obligés de se mettre à leur niveau. Les Anna, c'est eux qui le délaisseront. Et là, vous l'avez déjà vu, certains ils ont fréquenté par rapport au sport, certains ils ont fréquenté par rapport au travail, par rapport à certaines choses, certaines passions, yadam billah, va'ufu. Et ils sont devenus comme ceux qui fréquentent. Al-mar'u ala din khalilih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fallait en faire attention. Wa hakada ahlul bid'a. Bard al-nas, ils ont voulu sortir avec jama'at al-tablir, ils ont voulu rester avec Al-Ikhwan pour les changer de l'intérieur, et c'est eux qui ont changé. Limadha li'anna, le fait de se mélanger à ha'oula, awlan, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, on n'est pas infaillible. Wallah subhanahu wa ta'ala qal, wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumu an-nar. Ta'ammal qawlahu wa la tarkan. Ar-rukun, c'est le fait de s'approcher d'une chose. Allah subhanahu wa ta'ala qal, wa la tarkanu ila alladhina zalamu. Ne vous approchez pas des injustes. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ, tu pourras être touché par le feu. Les mains d'aller à se rapprocher du feu, tu peux te brûler. Ils se sont rapprochés de al-bid'a et de al-bid'a, et ils se sont fait brûler par des bid'a et par des afkar. كَمْ مِنَ النَّاسِ عِيَدًا بِاللَّهِ, ils ont dévié, et c'est devenu des khawarij. Les mains d'aller à nous, ils fréquentent des gens qui critiquent les gouverneurs. صَبَحًا وَمَسَّ. Au début, c'était pour leur montrer, ittaqillah, pourquoi tu critiques le gouverneur. Thumma, avec le temps, hum kadhalik, ils lui font da'wah. Lakin, khasatan avec musibat l'internet. Khasatan avec cette fitna l'ana. Wadana, s'ils suivent les thèses complotistes et ils suivent des kafra. Mujrimoun sur internet. Anhum, ils ont des thèses, même s'ils propagent certaines vérités, c'est du kadib pour beaucoup de choses. Et vous remarquerez que les thèses des complotistes, la plupart du temps, c'est contre les gouverneurs musulmans. Khassatan al-mamlaka al-arabiyya al-sa'udiyya harrasaha Allah. Thumma, tu trouves ba'd al-ikhwan, avec le temps, ils fréquentent ha'oula, ou ils assistent à certaines de leurs assises, ou ils les suivent sur internet, ils écoutent certaines de leurs conférences, etc. Thumma, yata'atharoun. Du jour au lendemain, ils te disent, mais c'est plus pareil. Ça commence à gagner en général, c'est plus pareil, ça a changé. C'est quoi qui a changé? À la fin, il y a Paul, mais ce gouverneur-là, c'est plus comme avant. Thumma, le troisième jour, il le critique. Il y a Ta'anfi. Thumma, ça devient Khariji clair. Ayyadam billah. On fait attention. Préserve ton din. Al-muqaraba min al-ashrar. Se rapprocher de al-ashrar, wallahi, ça peut être plus dangereux que de se rapprocher du feu. Si tu te rapproches du feu, tu vas te brûler, tu vas reculer. Amma ha'oula yahriquna al-quloub. Ou là, ils brûlent les cœurs avec al-shubah ou al-bid'a ou al-afkar al-haddam, avec des idées qui contredisent le Coran ou le Sunna, avec des innovations. Fahafidh ala dinik, akhil karim. Préserve ton din. On a cité hadhihi an-nasiha limadha, en relation avec la parole de Ibn Hibban, rahimahullah. Les nabad al-nas, ils peuvent penser que, mais je fréquente tel, c'est pour lui montrer. Al-quloub da'ifa. Ou al-shubah khattafa. Hakada qala al-imam al-zahabi. Rahimahullah. Quand il a parlé de Ha'oula Ahlul Bita' wa Shubah, Rahimahullah, il a conclu avec une kalima jamila, qu'al al-quloub za'if, On a des cœurs faibles. Ça, c'est l'imam al-Zahabi. Min a'immati al-sunna rahmatullah alayhi. Sahib siyar a'lam al-nubala. Un grand imam. Mais hada qala al-qulub da'ifa, nos cœurs, ils sont faibles. Wa shubah khattafa, et les ambiguïtés, elles ne te laisseront pas. Ben, elles peuvent rentrer dans ton cœur. Thumma, tu n'as aucune garantie que cette shubhah sort de ton cœur, cette ambiguïté. Enfin, préserve ce cœur. Tu n'es pas responsable de la guider des autres. Là, tu as un wajib, si tu as du ilm, montre. Sans te mélanger. Montre. Apprends l'ilm et fais le da'wah. Celui qui veut, il prendra. Celui qui veut pas. Innaka la tahdi man ahbabt. On ne guide pas ce qu'on aime. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Hala. Qala rahimahullah, fal wajib ala al-aqil an yajtaniba ahl al-riyab. Li'alla yakun muriban. كذلك أهل الريب نعم الريب c'est des gens qui sont pas clairs. On connaît tous le mot shak. On connaît tous le verset la raib fih. La raib fih. Hudan lil muttaqin. La raib, il n'y a aucun doute sur هذا القرآن العظيم. فبعض الناس ils ont من هذه الريب والشكوك, ils ne sont pas clairs. فاحذر. Fahdar, ne fonce pas hakada et tu tisses des liens et que annahu c'est il fait partie de ahlul haq etc. Lianna rubbama avec le temps tu t'apercevras annahu c'est un égaré ou c'est une personne mauvaise et tu seras touché. Lianna encore plus à notre époque sans tomber on le répète dans la paranoïa. Là, lakin ba'd an-nas tu vois tasarrufatihim avec qui ils marchent, qu'est-ce qu'ils font etc. Enfin أخي الكريم احذر في attention préserve ton din. قال كما أن صحبة الأخيار تورث الخير كذلك صحبة الأشرار تورث الشر. هذا يا إخوان في الدنيا والآخرة أن fréquenter des personnes pieuses بإذن الله عز وجل c'est une cause pour avoir du خير, pour avoir du bien. Fréquenter الأشرار صحبتهم تورث الشر. Tu seras touché par un mal. Ça peut être fi dunya ou fi l'akhir. Qala Allahu Azza wa Jal, al-akhillau yawma'idhin aw ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ta'ammal. Yawm al-qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala il a informé anna al-akhillau. Akhillau c'est le pluriel du mot khalil. On dit al-khalil, c'est le singulier, ay l'ami proche, intime. Al-akhillau c'est le pluriel. Fal-akhillau يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضَ عَدُوْ. Ceux qui étaient très très proches de dunya, des amis vraiment intimes, يَوْمَ الْقِيَامَةِ, ils seront tous ennemis les uns des autres. لِمَاذَا لِأَنَّ فِي الدُّنْيَا, ils étaient amis pour certaines choses. Et يَوْمَ الْقِيَامَةِ, il n'y a plus ces choses. يَوْمَ الْقِيَامَةِ, pour هَؤُلَا الْكَفَرَ الظَّلَمَةِ, il n'y a que النار. Donc il n'y aura plus aucune cause pour être amis, ils se détesteront, ils se rejetteront la faute les uns sur les autres. Et ça sera chacun un ennemi pour l'autre. Sauf qui قال إلا المتقين. Sauf ceux qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya. Haoula, ça restera des amis proches يوم القيامة. Et profiteront ensemble بإذن الله عز وجل في الجنة. Et تقدم معنا le hadith سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. Parmi les sept qui seront sous l'ombre du trône يوم القيامة. Parmi eux, deux musulmans qui se sont connus villa, c'est devenu des amis villa, et ils se sont séparés. Ala hada. Haoula, ils seront sous cet ombrillon de Qiyama, ensemble, entre amis. Ça nous montre, anna hadi suhba, elle était profitable fi dunya, ils se sont entraidés, ils se sont aimés, wa hakada fi l'akhira. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, en parlant de Ahlul Jannah, yaqouloun, n'akhtasil le hadith, il est assez long, cite que shahid, yaqouloun, أي أهل الجنة ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. Certains croyants ils diront يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يا رب أو ربنا إخواننا nos frères qui faisaient الصلاة avec nous, qui faisaient الصيام avec nous, qui faisaient الحج avec nous. Ça nous montre أن هذه الصحبة في الخير. Ils faisaient الصلاة ensemble au masjid. Ils faisaient As-Siyam ensemble, ils faisaient le Hajj ensemble. Ce frère, il n'oubliera pas ce bien, Yawm al-Qiyamah. Il demandera à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a ses frères qui étaient avec nous. Ya Rab, tu les as fait rentrer en enfer. Ça nous montre, c'est un délil. Al-Mu'min, il peut rentrer en enfer. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve pour une cause. Même s'il faisait le salat, même s'il faisait le siyam, même s'il faisait le hajj. Là, ils avaient des dhunoub, des péchés que Allah il ne leur a pas pardonné. Il les a fait rentrer fil nar pour les purifier. Bah, leurs frères, ils diront, ya Rab, tu les as fait rentrer fil nar. Tu les as fait rentrer en enfer. فيقول الله عز وجل الله il leur dira اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم الله il leur dira allez et faites sortir ceux que vous reconnaîtrez parmi vos frères et ceux que vous avez côtoyés في الدنيا. Ça nous montre هذه الثمرة العظيمة. Ça nous montre qu'on a fréquenté des personnes pieuses, des frères qui aiment din, qui veulent avancer dans din, qui font des efforts dans leur din, même s'ils ont des défauts. La chaque Annahaoula, ils sont entrés en enfer, c'est qu'ils avaient des défauts, ils ont fait des péchés. Lakin ma'a'adha, il restera toujours du khayr qui sera profitable. Yawm al-qiyam al-hadith, il est fi al-sahiha de l'imam al-Albani, rahimahullah. Et il est fi sunan, il est ma'arouf. C'est min hadith al-shafa'a. Et kadalik, c'est un rad ala al-khawarij, an ahlul ma'asi, même s'ils rentrent fin nar, tant que c'est des croyants, tant qu'ils sont morts ala al-tawhid, ils sortiront yawm al-min al-dahr. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام dans plusieurs hadiths. Et هذا والله الحمد لله étudié dans d'autres دروس. ثم قال ابن حبان رحمه الله حدثنا محمد بن أبي علي الخلادي قال حدثنا عبد الله ابن الصقر السكري قال حدثنا وهب بن مالك البناني قال سمعت الحارث ابن وجيه يقول سمعت مالك بن دينار يقول إنك أن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الخبيصة مع الفجار. هذا كلام جميل de cet imam مالك ابن دينار رحمة الله عليه. Dans ce athar, il a démontré que fais attention de ne pas choisir tes fréquentations par rapport au confort de dunya. احذر. كم من الناس, ils ont un niveau de vie très élevé. Ils vivent dans le luxe, dans le confort. Et wallah, se rapprocher d'eux, c'est plus dangereux que de se rapprocher du feu, comme ataqaddam. Wa kam min an-nas, ils sont fi ta'b wa mashaqqa. Ils souffrent. Imma, ils sont malades. Imma, ils souffrent à cause de la pauvreté. Imma, certaines épreuves. Et ba'd an-nas, ils n'osent même pas les citer. Fadlan, de se rapprocher d'eux. Et fi muqarabatihim khayrun 'azim. Et se rapprocher d'eux, il y a un énorme bien. فَلِهَذَا قَالَ إِنَّكَ أَن تَنْقُلَ الْحِجَارَ مَعَ الْأَبْرَارِ. Que tu portes des pierres مَعَ الْأَبْرَارِ. Et tu souffres مَعَهُمْ. Et tu les fréquentes, même si, maintenant, le fait de les fréquenter dans un travail, c'est pour porter des charges lourdes. قَالَ خَيْرٌ. C'est mieux que أَن تَأْكُلَ الْخَبِيسِ. قَالَ فِي الْحَاشِيَ نَوْعُ مِنَ الْحَلْوَ. Et c'est un aliment. Un aliment à leur époque, il était très apprécié. قال خير من أن تأكل الخبيصة مع الفجار. Fais attention, بعض الناس عيادا بالله, ils sont attirés par le dunya. Et ils désirent, et leur volonté, c'est de fréquenter certains, فقط pour profiter. Profiter de la voiture, profiter des sorties, profiter de l'argent, de la nourriture, des connaissances. احذر. كما قال الإمام ابن حبان au départ, cette amitié, même si elle se lie, elle peut se rompre très très vite. لماذا؟ لأن elle est en fonction de المصالح. Elle est en fonction des profits. Chacun pense à lui. أما نحن, on doit faire des efforts pour avoir une entraide, des liens في دين الله. On s'aime في الله. On doit s'aimer في الله. Et bien sûr, cet amour, il va avoir des fruits qu'on a cités. On en a cité quelques-uns في الدنيا وفي الآخرة. Et vont citer certains, rahmatullah alayhi. Naqra. Qala Abu Hatim rahimahullah al-aqil la yudannis 'irdah wa la yu'awwid nafsahu asbab ash-sharr bi luzum suhbat al-ashrar. Hada taqaddam anna al-aqil la yudannis 'irdah. Kam min an-nas, ils ont sali leur réputation. Leur honneur, elle a été touchée, bafouée. Pourquoi? Li'annahum, ils ont fréquenté des mauvaises personnes. Même s'il a rien fait, ça arrive souvent hada. Comme min an-nas, ils ont fini au tribunal, ils ont été accusés de vol, de meurtre, de cambriolage et autres, alors que ils ont rien fait, lakin ils fréquentaient des mauvaises personnes. Fouma, leurs parents, ils ont plus confiance en eux, leur famille, ils ont des doutes, etc. Leur honneur, elle a été touchée. Pourquoi? لأنهم ils se sont approchés de l'ashrar. هذا معنى كلامه. لا يدنس. أي ne souille pas ton honneur. قال ولا يعود نفسه أسباب الشر بلزوم صحبة الأخيار. قال ولا يغضي عن صيانة عرضه ورياضة نفسه بصحبة الأخيار. نعم. هذا ça demande un effort. Vous avez remarqué que في كلام أهل العلم dès que tu lis, tu comprends directement, même fil adillah, tu comprends directement que l'être humain il est plus attiré par shor. Tu comprends que fréquenter les mauvaises personnes, pour l'être humain, c'est très facile, il peut se laisser aller très vite. Et fréquenter as-salihin al-abra, ça demande un effort. Pourquoi ? L'être humain, il a été créé hakada. Il a été créé min ajal, min dha'f. وخلق الانسان ضعيفا الانسان il est faible il aime la facilité والنفس اماره بالسوء et notre âme elle nous attire vers le mal et chaque être humain il a un qarin il a un shaytan معاه qui essaie qui fait tout pour essayer de l'égarer enfin toutes ces choses ça pousse que l'insan il ressent cette facilité مثلا Pour l'être humain, c'est beaucoup plus facile de fréquenter certains toute la nuit jusqu'au fajr, sortir, manger, etc., que de rester chez lui et de faire qiyam al-layl. Il n'y a aucun doute à ça. Si tu veux faire la nuit, qiyam al-layl, et ne pas fréquenter l'ashrar, ça demande un juhd azim. Ça demande un effort, ça demande un jihad. Huffat al-jannah bil-makari. C'est ça le ma'ana de ce hadith. Le paradis a été entouré de al-makari. Et des choses qui... Tu dois faire un effort. Des choses que ton œuf sauté par elle n'apprécie pas. Elle repousse la kin avec les efforts. Tu auras al-jannah. وَحُفَّتَ النَّارِ بِالشَّهَوَاتِ L'enfer, il est entouré de quoi? De shahawat. Des choses que l'être humain, il aime. À la base. مِنَ فِتَنْ الدُّنْيَا الزِّنَا etc. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ على أن الناس عند الخبرة يتبين منهم أشياء ضد الظاهر منها. Après avoir conseillé Anna, tu dois faire des efforts pour fréquenter des gens pieux, etc. Il a fait ce tambih muhim pour que tu ne sois pas déçu. لأن أحيانا tu fais un effort. Tu veux fréquenter des gens pieux. مثلا fréquenter un طالب علم, fréquenter une personne qui a fait le hajj, une personne qui a fait telle chose, tu vois en lui l'apparence annahu il fait du khayr. Lakin qala huna il a fait un tanbih muhim qala ala anna an-nas 'inda al-khibra ay l'apparence que tu vois fiha khayr 'inda al-khibra. Al-khibra huna sabi'una 'inda ash-shidda, quand tu es dans une difficulté. 'Inda al-fitna, une épreuve. يتبين منهم أشياء ضد الظاهر منها. Quand il y a une difficulté, une épreuve, كثير من الناس, ce bien que tu voyais en apparence, il change. Et هذا, ça demande de la patience. Et l'insan يصبر, et si son frère, il aime le haq, et il veut le haq, et il a des faiblesses, فيتعاون معه. وإلا تقدم معنا هذا. En général, durant un voyage, مثلا, celui qui a fait le hajj et l'umrah, tu peux voir des aspects de certains que tu côtoies que tu n'imaginais même pas. لماذا لأن أولا tu es jour et nuit معه et كذلك ce voyage tu es confronté à beaucoup de choses. Et بعض الإخوة ما شاء الله ونسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع tu les trouves لا يتغيرون بل ils seront une aide pour toi. Et tu trouves البعض نسأل الله الثبات. كذلك عند الشدة une épreuve. أحيانا بعض الإخوان ils sont éprouvés par une chose. مثلا ça peut être une affaire de justice ou autre et tu trouves البعض يتغير بسرعة. Certains ربما ils ne t'approchent plus, ils ne t'appellent plus. يخافون أنهم il va se passer. هؤلاء ça montre ماذا? Ça montre أن les liens qui étaient au départ, ils n'étaient pas solides. C'est pour ça que la première épreuve, tu ne peux pas compter sur eux. On doit s'habituer à placer notre confiance en Allah seul. On sera déçus. Et on a tous été déçus, tous en tant que musulmans, par certaines choses. Parmi ceux qui aident à relever la tête, à tenir le coup, à avancer, tu places ta confiance en Allah. Al-Aziz, Al-Jabbar. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala et que tu es touché par une difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala il t'ouvrira les portes. يَحْفَظِ اللَّهِ يَحْفَظْكَ. كذلك الصاحب qui vraiment c'était des liens fillah, خاصةً si connaissant din et met en application, tu le trouveras à tes côtés بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. لكن ça c'était une remarque, أَنَّكَ أَحْيَانًا tu peux être déçu. الانسان يعفو. الانسان يعفو. Même أحيانًا si tu es déçu, ton frère il a eu des faiblesses, ثم تشوف واك ton frère ولله الحمد il regrette. بعض الإخوة ما شاء الله même s'ils ont des faiblesses ils ont une qualité, c'est la modestie. Il admet non, j'ai pas été à tes côtés, je t'ai laissé, j'ai des faiblesses, j'ai pas pu tenir. Il a هذا تعفو عنه, tu le pardonnes. ماذا تفعل, il reconnaît. لكن المصيبة c'est celui qui ne reconnaît pas. فنسأل الله عز وجل التواضع للحق. قال رحمه الله. La page suivante, on va directement à la page suivante. Il a rapporté un Abu Darda radiyallahu anhu. Qala Abu Darda radiyallahu anhu, "As-sahibu as-salih khayrun min al-wahda, wal-wahda khayrun min as-sahib as-su, wa mumli al-khayr khayrun min as-sakit, was-sakit khayrun min mumli ash-shar." Il a cité ces différentes catégories. Radiyallahu anhu. Abu Darda, sahabi al-Jalil. Qala, as-sahib as-salih khayrun min al-wahda. Le fait d'avoir des fréquentations pieuses, un ami qui suit la vérité, c'est mieux que d'être tout seul. Hada taqaddam ma'ana au début. Alaykum bil-jama'a. Qala, wal-wahda khayrun min as-sahib as-su. Vaut mieux être tout seul qu'avec un sahib sou, avec une mauvaise personne. Vaut mieux être tout seul. Si tu es tout seul et tu ne trouves pas de qui fréquenter min ahli al-khayr wa al-salah, falhamdulillah, tu es excusé. Et si tu es sincère, tu seras préservé. Allah n'impose pas au-dessus des capacités de l'être humain. Amma, radanas yasta'dilun, ils ne patientent pas, ils se retrouvent seuls dans un endroit, ils ont du mal à rester seuls et fréquentent des mauvaises personnes. Hatta al-kuffar yaqulun hada. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Hada c'est ma'rouf 'inda an-nas. Limadha? Li anna as-salama la yu'diluha shay. Si tu es tout seul, alhamdoulillah, même si il n'y a pas quelqu'un pour t'aider, etc., au moins il n'y a pas quelqu'un pour empirer ton cas. Qala wa mumli al-khayr khayrun min as-sakit. Ça nous montre que le fait de se taire, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Là, celui qui dit al-haq, qui dit la vérité, il est mieux que celui qui se tait. وَالسَّاكِتْ خَيْرٌ مِنْ مُمْ لِشَرْ. Et celui qui se tait, il est mieux que quelqu'un qui parle, mais il dit des mauvaises choses. هذا واضح. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهُ الْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ يَصْمُتْ. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. Celui qui croit en Allah aujourd'hui, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. قال أبو حاتم رحمه الله العاقل لا يصاحب الأشرار لأن الصحبة صاحب السوء قطعة من النار تعقب الضغائن ولا يستقيم وده ولا يفي بعهده. Ça c'est parmi les thamarat de les fruits amers de cette fréquentation avec les mauvaises personnes. نعم تعقب الضغائن ولا يستقيم وده. نعم tu auras du mal à l'aimer. Limadha? Li anna un jour il dit telle chose, un jour il fait telle chose, un mauvais comportement accompagné de beaucoup de choses. Wala yafi bi'ahdi. Kadhalik, il va te promettre beaucoup de choses et il va te décevoir. Pas à l'heure, au rendez-vous, il ne tient pas ses promesses, il ne respecte pas ses engagements. Qal wa inna min sa'adati al-mar khisalun arba. Quatre choses pour être heureux. Celui qui a ces quatre choses, ou certaines de ces quatre choses, il aura une part du bonheur ici-bas, قبل الآخر. قال أن تكون زوجته موافقة. Et là, je pense que c'est من السعادة. أي celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné زوجة, une épouse موافقة. موافقة أي في الخير في الطاعة اليوبي. أما بعض النساء الشيطان اللي بوسع دائما كونتخدير الزوج. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala قال الرجال قوامون على النساء. Allah subhanahu wa ta'ala فضل الزوج. Et il lui a donné cette responsabilité. Et la femme, elle doit obéir au zawj. في طاعة الله. في المباح. أما في المعصية لا. Si, si lui ordonne de faire quelque chose d'interdit, là, là, elle ne doit pas être d'accord. لكن هذه الزوجة, si elle aide son mari, elle fait des efforts pour ne pas le contredire. أحيانا ça arrive. لماذا؟ لأن un couple. أحيانا il faut prendre des décisions et vu que c'est un couple, أحيانا c'est normal, il y a deux avis. Enfin, si ce mari prend cet avis, et alhamdoulilah, cet avis, si c'est une ta'a, c'est clair, si c'est une obéissance, et si c'est pas une ma'asiyah, même si elle pense que autre chose c'est plus utile, là, bah, c'est minam nasiha, lakin s'il a pris la décision, fa min as-sa'ada, et fil haqiqa, même pour elle, le bonheur, c'est qu'elle obéit à son mari. L'imam Aliana, ça va les regrouper, ça va les rassembler, et ça va fermer les portes à Shaitan. Amma, certains couples, ils vivent fi dhaiq, fi shidda, ils ont beaucoup de mal, ils ont des difficultés. L'imam Aliana, ils sont jamais d'accord. Rien, c'est des choses claires, ça revient au mari. Des choses claires. Annahu, il faut déménager, annahu, il faut faire telle chose pour l'enfant. Des choses, depuis l'époque du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à aujourd'hui, ces choses, inda al-muslimin, ça revient au mari. Même inda al-awam. Wallahi, tu trouves, même la génération de nos parents, beaucoup de ces choses, c'était l'homme qui faisait, et la femme, mashallah, elle suivait, elle s'entraidait. Wala wa bid du'a, et ça se passait très très bien. Tu trouves, un certain couple, les asaf qui font des efforts pour s'attacher à la sunnah, mais qui nous ont des faiblesses, via la moindre chose est, elle n'est pas d'accord. Thumma, ça fait des problèmes. Thumma, ça met de la pression à son mari. Thumma, yahsul ashar. Et c'est une des causes que certains ne sont pas heureux. On doit tous faire des efforts fi hada. Chacun à sa place. Chacun à sa place. Il y a des choses. C'est, il faut une décision. Et ahyana, il faut une décision rapide. Fi hada al-hal, al-mar'a, la femme, tata'awun ma'a zawjiha. Elle l'aide. Et certaines, elles vont plus loin, elles mettent de la pression. Si tu fais, je pars avec les enfants. Si tu fais, je le dis à mon père. Si tu fais, si tu fais. Là, si c'est du khair, enfin, s'opposer, c'est très grave. S'il y a une divergence dans une chose, laquelle le mari, il est connu pour faire des efforts, pour prendre des bonnes décisions, il est attaché à la vérité. Si elle suit son mari, elle sera fi khair. Même si on qadr à la fin, il y a une erreur, ça ne leur fera pas grand mal. Ah là, c'est pour préserver mal, pour préserver ce couple. Vous avez remarqué, c'est exactement comme a dit l'imam al-Albani, rahimahullah, il a comparé l'obéissance de la femme à l'obéissance, la femme qui obéit à son mari, à l'obéissance au gouverneur. Sahih, ça se ressemble. Nous, on doit obéir au gouverneur, fi ta'atillah, dans l'obéissance d'Allah. Et kadalik, dans les choses mubah, dans les choses, des choses de dunya, sont pas haram, ça fait pas partie du din, là que le gouverneur il prend une décision, on suit. L'imam va pour préserver le groupe. Même Ahyanan, tu n'es pas d'accord. Tu penses que telle chose, c'est pas comme ça, c'est une erreur. Là que le gouverneur il a pris la décision, ça sert à quoi de s'opposer? Tu vas te faire du mal. Robama, tu crées une fitna, et Robama, ça te rendra malheureux. Fafi hadal hal, obéis, suis autant que tu peux, et alhamdulillah. Faha kada la femme, ma'a zawjiha. Pourquoi? Dans le cas de la femme avec son mari, c'est pour préserver le couple, la famille. Et dans le cas du gouverneur, c'est pour préserver al-mujtama', la communauté. Ça nous montre que le musulman, il doit voir loin. Il ne doit pas regarder que nous. Bardoum, ils ont du inaj, je dois avoir raison. Même s'ils savent qu'ils ont tort, ils sont prêts à aller à la rupture. Ils sont prêts à aller à des conséquences très graves, l'imam adab, faqat pour eux. Ne pas se rabaisser. Il pense que c'est un rabaissement. La femme qui obéit à son mari, wallahi, ce n'est pas un rabaissement. Si elle sent que c'est un rabaissement, elle doit revoir sa niyya, son intention. Et elle, si elle a une bonne intention, c'est une cause pour rentrer fil djenn. Comme a dit le hadith, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé, elle a parmi les choses qui feront rentrer cette croyante au paradis, c'est l'obéissance au mari. Elle fait ses 5 salawats, etc. Elle fait le jeûne et ta'at zawj. Hadi bi'idnillahi azawjal, elle rentrera au paradis. Enfin, si on a cette intention, ça nous facilitera. Il n'y a aucun rabaissement. Allah subhanahu wa ta'ala, il a instauré des règles fi kitabihi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah, hakada avec le gouverneur. Il n'y a aucun rabaissement, walillahi alhamd. Si on obéit au gouverneur, on ne le critique pas. Ce n'est pas par peur. Ce n'est pas min bab al-mudahana. Ce n'est pas parce qu'on est payé. Abadan. Là, c'est ta'atan lillah. C'est pour ça qu'on trouve du repos fi hada. Même si certains critiquent, mina al-khawarij wa al-hizbiyin, al-harakiyin, ça ne fait aucun mal. Vous avez remarqué que al-khawarij, al-takfiriyoun, al-hizbiyoun, al-harakiyoun, ils critiquent le sunnah quand ils obéissent au gouverneur. Anna Ahl al-Sunnah, c'est... Ils n'ont pas de courage. Anna Ahl, c'est des ashab kada wa kada wa kada. Les mazas, les anoms, ils n'ont pas compris l'intention du sunni et sa aqid. Anna, celui qui fait quelque chose, l'illahi azza wa jal, ça peut être qu'une cause pour l'élever. Hadi, c'est la première. La deuxième, wa waladuhu abrara. Mais hadi, là, chaque, c'est min omniyat jami' al-mu'minin. Jami' al-mu'minin. D'avoir des enfants pieux. Et là, dans la chacun, ça réjouit le cœur et c'est cause de bonheur. Même si tu as des manques, que ce soit physique, que ce soit financier, si tes enfants, ils sont à la khir, ils apprennent le Coran Karim, ils font salat, si c'est une fille, elle porte le hijab, voilà chacun, ça cause de bonheur du mu'min. Qala wa ikhwanuhu salihin. Kadalik, avoir des ikhwan, que ce soit des frères de sang ou. Runa, le sens il est plus large. Ikhwan est des frères, filah, des pieux. Voilà, chacun a ça sera cause de bonheur. Si tu te trompes, il te conseille. Tu as oublié, il te rappelle. Tu as glissé, tu as faibli. Ils font tout pour te relever. Ils ne t'écrasent pas. Voilà, chacun a c'est une cause de bonheur. Tu as besoin. Alhamdulillah, ils sont là. Tu téléphones, les téléphones, ils sont pas fermés. Wallahi alhamd. Tu trouves, c'est les premiers. Wallahi ba'dal ikhwa, tu les trouves avant des membres de ta famille. Ah, oulala, je sais que c'est une cause de sa'ada. Et c'est pour ça que l'imam al-Hibban, il a cité hada huna par rapport à notre chapitre. Qala wa an yakuna rizquhu fi baladi. Et hada, celui qui a compris la phrase, il va directement comprendre le lien avec la facilité, le bonheur. Al-rizqu, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne. Chacun, il a un rizq. Une rentrée d'argent, de bien chaque mois, chaque année. Fa idha kana hadha ar-rizq fi baladihi la shak c'est une cause de bonheur. Limadha li'anna al-insan yuhib baladahu. L'être humain, il est hakada, il aime la terre de ses parents dans laquelle il est né, dans laquelle il a grandi. Fa si son rizq, il est dans son balad, il n'a pas besoin de se déplacer. Fa hadha c'est min as-sa'ada. Tu trouves le ba'd, mashallah. Bien sûr, ici il y a un autre point avec d'autres adillah, si c'est un bilad char, bilad kufr, matalan, même s'il a son risque fi bilad kufr et il ne peut pas appliquer son din, fi hadha al-hal, c'est obligatoire de faire le hijra. Comme qala al-imam Nukathir, rahimahullah, bel naqala al-ijma', il a rapporté l'unanimité. Inda qawlillahi azza wa jal, inna alladhina tawaffahum al-malaikatu zalimi anfusihim, qalu fima kuntum, qalu kunna mustata'afina fil ard. Ila akhir al-ahya. Fi hadha al-hal, c'est autre chose. Lakin ba'd وبعض الإخوة الله سبحانه وتعالى رزقهم un rizq طيب, une rentrée d'argent, un commerce ou autre dans ربما la maison de famille et ils sont proches de leurs parents et alhamdulillah ils n'ont pas besoin de se déplacer. وأعظم وأفضل من ذلك بعضهم الله سبحانه وتعالى فتح عليهم في أعظم الأرزاق العلم. لأن الرزق سادivise en deux, رزق الأبدان رزق القلوب. وبعضهم الله سبحانه وتعالى leur a ouvert les portes. Un savant de la sunna, il est d'origine de leur pays, de leur ville, et ils n'ont pas besoin de se déplacer. Et haoulay, ils profitent min hada rizq sans faire ce sacrifice, ce déplacement, ce voyage, etc. فهذه لا شك أنها نعمة عظيمة. قال وكل جليس لا يستفيد المرء منه خيرا تكون مجالسة الكلب خير من عشرته. أنا وكل جليس أي un ami ou plutôt quelqu'un que tu fréquentes, لا تستفيد منه, tu ne profites pas de lui. On a le profit أي الخير. الخير on a déjà expliqué, الخير c'est الدين. الدين, et le دين c'est fondé sur l'iman, sur l'ilm. Si tu ne profites pas de lui dans le دين, قال تكون مجالسة الكلب خير من عشرته. أي s'asseoir avec un chien c'est meilleur. هذا تقدم معنا. الحمد لله المؤمن, si il évite sahib al-shar, fa alhamdulillah, il trouvera quelqu'un qui a du khayr. S'il trouve personne, fa alhamdulillah, il reste seul et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala min fadli. Lakin l'ulama il cite ce genre de kalam pour te montrer faqat l'importance de d'éviter sahib al-shar. Ça veut pas dire que tu restes avec al-kalb abadan. Qala wa man yashab sahib as-su la yaslam. كما أن من يدخل مدخل السوء يتهم. Ça, on doit le prendre comme règle. C'est comme une règle. Et ça arrive en général. من يصحب صاحب السوء. Celui qui fréquente une mauvaise personne. Ça peut être un mujrim qui fait beaucoup de péchés. Ça peut être un innovateur. Ça peut être encore plus grave, un kafir, un mulhid. La yaslam, il ne sera pas à l'abri. Il ne sera pas épargné. Imma il sera touché par une ambiguïté, imma par son mauvais comportement, imma les gens ils douteront sur lui, imma une affaire de justice il sera accusé. La yaslam. C'est pour ça que les ulama ils ont insisté jiddan en s'appuyant bien sûr sur le Coran ou la Sunna de ne pas fréquenter l'ashrar. Et on répète la yaslam si ça fait omour ad-dunya, al-amr fi al-haqiqa sahl. Tu t'en remettras très très vite. Maintenant, بعض الناس, ils ont fréquenté des mauvaises personnes. ثم, ces mauvaises personnes, ils lui ont volé une chose. Maintenant, il les a emmenés chez lui. ثم, ils ont vu certaines choses qui leur plaisaient. Ils sont revenus, ils l'ont volé. لا يسلم هذا ما سلم. لكن ils lui ont fait du mal niveau matériel là, bas. هذا il va récupérer ou il va racheter cette chose. Et puis, alhamdulillah, la prochaine fois, il fera attention. لكن المصيبة c'est الذي لا يسلم في دينه. Celui qui fréquente أهل البدع أو أهل الكفر وبعض المسلمين كما تقدم معنا ils ont fréquenté أهل الشر والكفر والإلحاد سأعرفي هذا حتى من بلاد الخير الشيخ العثيمين رحمة الله عليه rapporte أن بعض أهل السعودية يتعلمون أن أهل السعودية من أفضل بل سأفضل المجتمع نتخبك avec التوحيد avec العلم avec Al-Khair dans lequel ils ont grandi, etc. Et ils ont été préservés de beaucoup de choses par rapport aux autres. Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, il rapporte ils ont voyagé en Amérique. En général, les Saoudiens, quand ils voyagent, c'est pas trop en Europe pour les études, c'est aux États-Unis. Ils sont partis aux États-Unis. Et Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, il a démontré ils ont eu des gros manquements dans leur dîn. Mais Ba'dahum, ils ont pratiquement perdu leur dîn. Les malades, les yann mujalassatu al-ashrar. Ils étaient fi ni'ma, ils étaient préservés dans leur pays, niveau iman, niveau tawhid, etc. Ils ont fréquenté le malahida, khasatan l'étudiant, quand il fréquente. En général, haoula, quand il voyage, mi bilad muslim, il a bilad kufr, c'est pas pour aller au lycée, là. Haoula, c'est des études supérieures. Ils vont fréquenter des professeurs qui ont un haut niveau dans certaines choses. Ils sont impressionnés, ils commencent à avoir des liens. Et directement, vous avez remarqué, en général, les professeurs des hautes, des grandes universités, en général, c'est des malahida. En général, ils aiment la philosophie, ils sont toujours pas d'accord. C'est des anti-din. On dit même pas anti-islam, anti-din complètement. Et haoula, mujalasatuhum fiha dharar. Et on avait lu ensemble, walillahi alhamd, une risala tayyiba. Et on l'a propagé, un nasiha rabbani, al shir sa'di. Et tadkurun, pour ceux qui ont assisté, un shir sa'di, il a mis en situation un frère avec un autre musulman, et ce musulman, il a fréquenté des koufars et il a perdu son dîn. Et il avait des doutes. Thomas, son frère muslim, il le conseille. Il a mis il a mis cette situation, ses deux frères. Il a écrit une risala pour montrer la gravité de fréquenter al-koufar. Et on l'avait lu, walillahi alhamd. Et c'est exactement sur ce sujet. قال كما أن من يدخل مدخل السوء يتهم. صحيح. حتى l'endroit. حتى l'endroit. Là, on a beaucoup parlé des fréquentations. Mais si tu vas dans un endroit... Même si tu es seul, là, cet endroit il est connu pour As-Sou, tu pourras te faire accuser. Falihad, on doit s'écarter des mauvaises fréquentations et des mauvais endroits. Il y a des endroits, c'est connu pour Shar, c'est connu pour le Fisq, c'est connu pour Shirk, c'est connu pour Radha'il. Préserve ton din, écarte-toi. Et là, tu es dans un mauvais endroit, même si tu n'avais pas l'intention de faire une mauvaise chose. Tu peux être accusé, on touchera à ton honneur. ثم قال رحمه الله وأنشدني محمد لا باج سويفونت لو فير دو بويزي إلي جميل قال وأنشدني محمد بن إسحاق ابن حبيب الواسطي قال اسحب خيار الناس أين لقيتهم خير الصحابة من يكون ظريفا والناس مثل دراهم نعم والناس مثل دراهم ميزتها فوجدت فيها فضة وزيوفا. Ça c'est pour un vers de poésie taillé pour nous montrer qu'on doit faire attention. Annas mitlu dharahim. Les gens c'est comme dharahim. Dharahim c'est de l'argent, des pièces. Qala fawajadta fiha fiddatan wa zuyufa. Zuyuf est quelque chose de muzayyef, de marchouche. Des pièces, matalan, tu peux trouver des pièces. On donne l'exemple des pièces en argent, ou on peut même donner l'exemple des pièces d'or. Et en apparence, rakada, tu vois le bruit tout. Tu as l'impression que c'est toutes des pièces d'or. Laquelle dans ces pièces, tu trouveras une pièce qui est vraiment en or. Les autres, avec le temps, ou en grattant un peu, tu verras que c'est que du marjouche. C'est que des fausses pièces. Fahakada annas. Hakada annas. Ça, on le rappelle, ça à leur époque. L'imam Ibn Hibban, rahimahullah, il a rapporté la parole de ce poète. Il est mort en 300 et quelques, au 4e siècle de l'Hégire. Nous, on est au 15e. On est au 15e, cette époque de shor et de fitna. Falihada, fais attention. Fais attention, akhil karim, et préserve ton din. On finit avec la parole de Ibn Hibban, rahimahullah, قال Abu Hatim, rahimahullah, الواجب على العاقل أن يستعيذ بالله من صحبة من إذا ذكر الله لم يعنه وإن نسي لم يذكره وإن غفل حرضه على ترك الذكر. هذه سن خاتمة طيبة. Il a conclu ce chapitre avec cette نصيحة جميلة. كذلك tu dois faire الدعاء. الواجب على العقل أن يستعيذ بالله. Tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te préserve من الأشرار. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى si il nous préserve pas, il nous délaisse à cause de nos péchés, on n'arrivera pas à s'en sortir. Même si tu fais des efforts pour filtrer, même si tu fais des efforts pour ne pas fréquenter un tel, tu seras déçu, on te fera du mal. Fait, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Istaïd billah. Fais du'a. Fais sujoud. Fais akhir al-layl. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te préserve de qui? قال من صحبة من إذا ذكر الله لم يعينه. Anta, tu veux faire du dhikr, tu veux faire des efforts, ouais, il t'aide pas. Ça, c'est un sahib sou. بعض الناس ils sont hakada. Matalan, viens, on va à tel dars, et ayadan billah, ils ont toujours des excuses pour démotiver. بعض الناس ils sont clairs. Ils ont du char. Viens, on va au masjid, viens, on va à telle chose. Ils essayent que d'attirer l'autre, il a le fait de s'éloigner de dhikr. Fahdhar. قال وإن نسي لم يذكره. S'il oublie, il ne lui rappelle pas. هذا ça montre أن ما فائدة مجالسة هذا. Si tu as oublié, et oui, si tu ne rappelles pas, mais il te laisse. عيدا بالله. قال وإن غفل حرضه على ترك الذكر. نعم. وإن غفل. Si il tombe dans l'insouciance, il l'encourage encore à délaisser. Tu le vois, هذا بعضهم, ils ont faibli à force de fréquenter certains imams qui font du sport, imams. Ils ont d'autres passions et sentent qu'ils faiblissent. Hadal-ah. Il ne va plus mettre l'insorte, le jama'a. Il n'assiste plus au durus. Vu que c'est des ashab sou, ils en profitent pour le terminer. Hatta yadam billah, ils sont la cause de l'envoi, ils délaissent al-khayr. Al-A'lam al-Shir Zayd, al-Madkhali, rahmatullah alayhi, dans son sharh de al-Adab al-Mufrad, qala une kalima jamila par rapport à hada. ليس من مقتضى الصحبة السكوت عن الخطأ الذي يقع من الصاحب والأخ. هذا سنتنبه important. أن ليس من مقتضى الصحبة. أي si tu es ami avec un frère, tu fréquentes des frères, c'est pas من مقتضى الصحبة السكوت عن الخطأ. Ne pense pas que te taire sur certaines fautes, c'est ce qui va arranger les choses. Oh, vu que c'est des frères, mashallah, de qualité, je dis rien, sinon ils vont se vexer. هذا c'est من الخذلان, c'est من وساوس إبليس. قال بل عليه أن ينبه فورا وهذا هو الأخ الحقيقي. بل dans ce cas on doit faire une nasiha فورا directement. ماذا لأن الخطأ c'est خطأ. Si c'est une bid'a, c'est une bid'a. Si c'est un péché, c'est un péché. Si c'est un mauvais endroit, c'est un mauvais endroit. Si le akh, il a des manquements, il fait des erreurs claires, fait un nasiha. Tout ça, billati hiya ahsan, bien sûr. Bérifqa, avec un bon comportement, lakin, dire les choses. Qala bal alayhi an yunabbi fawran wa hadha huwa al akh al haqiqi. C'est hadha al akh al haqiqi. C'est celui-là le véritable ami. C'est celui-là qui fait des efforts, ihris, pour ne pas rompre les liens avec lui. Même s'il te conseille. Et on qadr même s'il est maladroit. Il y en a بعض الأحيان, tellement qu'on aime la vérité, tellement qu'on est touché par certaines erreurs, certains manquements, on fait al-nasiha et ahyanan, il peut avoir de la maladresse. Shay min al-isti'jal ou un ton ferme. Wallahi, même si c'est hada, regarde al-khayr, regarde pas que la façon. Même s'il a été maladroit, regarde la base. Il t'a conseillé et il a la vérité. Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est comme si quelqu'un veut te donner quelque chose, il est maladroit, sans faire exprès, il te bouscule. Ça arrive. Tu as deux personnes quand ils donnent. Certains, mashallah, ils donnent avec rifq. Ils veulent te donner quelque chose, un cadeau, ils te le donnent avec rifq, avec douceur. Et tu le prends avec le sourire. Alhamdulillah, il t'a donné, il veut ton bien. On qadra un autre frère, il veut te donner, lakin, il se précipite. Et il veut te donner, et en te donnant, il te bouscule. Ne regarde pas le fait qu'il t'a bousculé seul, il n'a pas fait exprès, c'était involontaire. Regarde le fait qu'il t'a donné. Il a été maladroit, ça arrive. Si on regarde les choses avec ce côté, alhamdulillah, on reconnaîtra ce frère. Et c'est celui-là qu'on doit fréquenter. قال والصاحب الصادق في صحبته انت كلام الشيخ رحمه الله. On revient à la parole d'Ibn Hibban. قال ومن كان أصدقاؤه أشرارا كان هو شرهم. كان هو شرهم. هذا c'est un كلام جميل. Et ça nous montre qu'on ne doit pas remettre d'aïman la faute sur les autres. Bardana, s'il fréquente des mauvaises personnes. Et la base, s'il fréquente des mauvaises personnes, c'est que lui-même, il est mauvais. Kama qala Ibn Hibban, rahimahullah. Ou il l'a fait, pourquoi il les fréquente? S'il n'est pas comme eux, il ne peut pas rester avec eux, normalement. Khasatan, on parle, nahnu mujalasa, ça ne le dérange pas ce qu'ils font, du matin au soir. Fahada, en général, il est comme eux. En général, personne n'est forcé. Là, tu n'es pas forcé de fréquenter un tel. Donc, c'est qu'il est d'accord, il est avec eux. Lakin al-Bard, il met toujours la faute sur les autres. On a déjà cité, hada. Certains parents, ça arrive. Tu trouves un groupe de shabab, de jeunes, et ils font certaines choses que certains jeunes y font, des vols, des choses, hakada. Thomas, quand ils se font attraper, tu trouves certains parents directement, ils mettent la faute sur les autres. Leur enfant, c'est une victime, il s'est fait embrigader, c'est les autres. Et là, pourquoi il était avec eux? Pourquoi ce serait pas lui qui a embrigadé les autres? Pourquoi ce serait pas lui le meneur? Fallait, hada, qala Ibn Hibban, wa man kana asdiqa'u ashranan, kana huwa sharrahum. Si quelqu'un il fréquente des mauvais, c'est lui le plus mauvais. Pourquoi? Parce qu'il les a fréquentés. Et s'il prétend qu'il est autre, avec le fait qu'il les fréquente, qu'il ne voit pas la vérité en face, ça fait de lui un des plus mauvais. قَالَ وَكَمَا أَنَّ الْخَيْرِ لَا يَسْحَبُ إِلَّا الْبَرَرَ فَكَذَلِكَ الرَّدِي لَا يَسْحَبُ إِلَّا الْفَجَرَ. C'est ça la base. أَنَّ أَهْلُ الْخَيْرِ أَوْ الْخَيْرِ plutôt لَا يَسْحَبُ إِلَّا الْبَرَرَ. Le bien, en général, il est avec les gens de bien. C'est pour ça que le fait qu'il ait dit, rahmatullah alayhi, si tu fréquentes les gens mauvais, tu es le plus mauvais. Celui qui veut vraiment le khayr, il va aller vers les gens du khayr. C'est واضح. قال فكذلك الردي لا يصحب الا الفجر. كذلك الردي les mauvaises choses, tu les trouveras عند الفجر. قال فان قال فاني نعم فان امرئ اضطره امر فليصحب اهل المروءات. Ça c'est une dernière remarque كذلك important. Ça peut arriver بعض الاحيان ان الانسان il est مضطر. On répète, on l'a déjà cité كثيرا, avec des proches. Tu dois les fréquenter ahyanan, certaines occasions avec la famille, et t'es mutar. Ou ça peut être au travail, ou ça peut être dans certaines situations. L'insan, il est mutar. Faqal fal yashab ahl al muru'at. Essaye de rester avec ceux qui ont un minimum. Al muru'a, c'est des principes. Des principes. Bardanas, wallah, ils sont très très loin du din. Lakin, ils ont quand même certains principes. Même si c'est pas l'illah, ils ont des principes. Maintenant, ne pas commettre d'injustice, ne pas mentir, ne pas tromper leurs épouses, ne pas. Ils ont certains principes. Ma'a bu'dihim min ad-din. Et tu trouves al-ba'd, iyadan billah, safahun wa sharrun wa hamaqatun. Wa'adhan an-nas, wallah, tu te demandes, est-ce qu'ils ont encore la raison? Tellement qu'ils n'ont plus de limites. Faha'oula ihdar. Ihdar et demande à Allah subhanahu wa ta'ala as-salam. On peut conclure en ajoutant deux ou trois points. le premier point, anna min ahaqqi an-nas bi suhbatik akhi al-karim, c'est tes parents. Les personnes qui méritent le plus que tu restes avec eux. Belle, tu les fréquentes comme si c'était tes amis. Et tu regardes leurs besoins et tu ne les oublies pas. C'est les parents. والدليل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل un homme il a demandé au prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة. Ce compagnon رضي الله عنه il a demandé au prophète عليه الصلاة والسلام من أحق الناس. انظروا أسئلة الصحابة رضي الله عنه. On avait déjà parlé avec nos frères, Anna. Mais Adrien, est-ce qu'il y a un livre qui est écrit sur Allah et Abon? Ça a dû se faire. Les questions que As-Sahaba, radiyallahu anhum, il posait au prophète Muhammad, alayhi sallam. Là où Jumi'at, si tous les hadiths, les questions, ils étaient rassemblés dans une risala, tu trouverais des énormes fawait. Anhum, il posait des questions, pas comme la plupart des questions qui sont posées aujourd'hui. Je trouvais leur question, c'était fondée sur la bonne intention. Ils voulaient faire du bien, ils voulaient s'écarter du shor. Fata'ammal hadha as-su'al. Il a pensé à demander au prophète sallam, man ahaqqun nas? Ya Rasulullah, qui c'est qui mérite le plus que je le fréquente? Les mains, les anahum, ils ont compris. Il faut avoir un bon comportement avec les autres, il faut les fréquenter les gens pieux. Ouais, il a demandé, ya Rasulullah, qui c'est qui mérite le plus? Faqala sallallahu alayhi wa sallam, ummuk, ta mère. ثم قال من le prophète sallam il a répondu ثم أمك une deuxième fois la troisième fois قال من ثم من قال ثم أمك troisième fois il lui a dit ta mère ثم قال من ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبوك ensuite ton père لماذا لأن la mère a un حق عظيم elle a souffert pour cet enfant il était dans son ventre pendant plusieurs mois et il l'a empêché de dormir durant les premières années elle l'a allaité comme la mère elle fait de sacrifices. Et cet enfant, quoi qu'il fasse, il ne pourra pas rendre à sa mère ce qu'elle lui a donné. Abatan. فمعه هذا النبي صلى الله عليه وسلم vu que la mère a un حق عظيم et هكذا le père. كما قال الله عز وجل وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انظر الله سبحانه وتعالى il a cité son حق التوحيد l'adorer seul. ثم juste après il a cité le حق des parents. لماذا؟ لأن le حق des parents c'est un حق عظيم. C'est pour ça que Allah سبحانه وتعالى il a cité juste après son حق. Enfin, on ne doit pas négliger le droit des parents. Les SF, ils passent plus de temps à l'extérieur avec un tel et un tel, sans regarder ce un tel, cette fréquentation, est-ce que c'est une bonne fréquentation ? C'est des ashrar. Et ils délaissent leurs parents. Bardoum, Allah, Rubama, une semaine, un mois, il ne s'assoit pas avec ses parents. Bardoum, il s'assoit avec ses parents deux minutes, Thomas, le téléphone, il sort, il a toujours quelque chose à faire. On doit craindre Allah. Ne croyez pas que ça ne blesse pas nos parents. Nos parents, ils ont un cœur. Le parent, il aime rester avec son enfant. Satan, quand cet enfant, il a grandi, il a son propre foyer, la femme, enfant. Et les parents, ils sont attristés au départ. Quand cet enfant, il sort du foyer, ils savent qu'ils ne pourront plus le voir tout le temps. Enfin, quand cet enfant, il vient, yartahoun ou yafrahoun. Abadnaz, kadaliki. Quand ils se marient, ils oublient complètement leurs parents. Tout pour la femme, et ils oublient les parents. On doit craindre Allah Azza wa Jal. Le haq que tes parents, ils ont, ne l'oublient jamais. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a cité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a cité fi hadha al-hadith. Et kadhalik, pas qu'une simple fréquentation. Bel, essaye de les réjouir comme ils ont patienté. Avec des cadeaux, avec al-kalam al-tayyib, avec des services. Tu dois être le premier. Tu trouves certains parents, c'est comme s'ils n'avaient plus d'enfants. Ils ont besoin de certaines choses, c'est les voisins. Ou des charges lourdes, c'est la mère meskina qui a atteint 60-70 ans qui est obligée de porter. Fahada, c'est min al-uquq. Et al-aqu li walidayh, celui qui désobéit à ses parents en général, il ne réussit pas. Et la ya'rifu hadhihi an-ni'ma, sauf celui qui a été séparé de ses parents. Imma par la mort, imma par un voyage. Hada, il reconnaît cette ni'ma. Et Obama, il a des regrets. Ou les chèques dans certaines choses qu'ils pouvaient mieux faire. Malbard, ils ont cette ni'ma, ils ont leurs parents devant chez eux. Bardon, ils sont dans la même ville. Bardon, ils sont dans la même rue. Et tu trouves, rien, le père, la mère, ils sont malades, ils vont à l'hôpital, il est même pas là. Wallahi, on vient à une époque, on parle pas des kafara. Mal kafara, ils ont pas de dîn, ils ont pas d'aql, ils ont pas de cœur. Ah, oula, dès que les parents vieillissent, la maison de retraite, une fois par an et encore. Là, on parle de muslimine. Wallahi, certains musulmans, on arrive à une époque, leurs parents, ils sont tombés malades, ils vont à l'hôpital, et ils sont pas partis les voir. Na'oudou billah. Tu trouves, si c'est un ami, quelque chose de futile, de aucune importance, un coup de téléphone, c'est le premier. Ah oula, c'est, ils ont un problème. Voilà, chaque. Deuxième tombé, كذلك من أهم الصحبة التي ينبغي أن تتحرى فيها غاية التحري. Ça c'est avant. Les parents c'était parents. Un autre cas avant. Avant cette fréquentation. Et ça sera la personne que tu fréquenteras le plus. Fais attention dans le choix. Aïe ton épouse. Ou pour la femme, ton futur époux. لماذا لأن المرأة pour l'homme. وهكذا l'homme pour la femme, s'ils se marient, ils sont toujours ensemble. Vu que c'est pas comme les parents, c'est pas comme les enfants, c'est ta famille de sang. Là, la femme, vu que c'est une alliance, donc c'est une demande, c'est un choix, c'est une recherche, fais attention. Imran ibn Hittan al-Khariji harf wa kharaja min as-sunnah. Bel, il a été la cause, il a tué un sahabi radiyallahu anhu, celui qui a tué Ali ibn Abi Talib, ou plutôt celui qui a complimenté celui qui a tué Ali. Min ru'us al-khawarij, Imran, annahu il était à la sunna, il s'est marié avec une kharijiya, yaqulun. Il s'est marié avec une femme min al-khawarij. Son objectif c'était de la remettre à la sunna, lakin il a oublié makro ba'd an-nisa, et il a oublié la faiblesse de certains hommes. Il s'est garé. Il a complimenté après celui qui a tué Ali radiyallahu anhu. Min ru'us al-khawarij. Il s'est égaré. Il est tombé vu madhhab al-khawarij. Limadha li'annahu il s'est marié avec cette femme qui l'a attiré et qui l'a convaincu de rejoindre al-khawarij. Va préserver ton thé. Combien de sœurs et de frères ils ont été déçus. Ils se sont mariés avec des gens très très loin du din. Lakin ma taharraw au départ. Ils ont regardé que le physique et ils n'ont pas fait attention au din. لأن كما قال ابن حبان أن وغابلي أن الظاهر لابارونس سي اون شوز لكن عند الشدائد dans certaines situations c'est là que tu vois le vrai visage de la personne. Et vu que le mariage tu seras confronté à des épreuves, à des difficultés, tristesse, des disputes, des choses graves, أحيانا si tu es mal accompagné tu souffriras. فلهذا تحرى renseigne-toi bien avec qui tu te maries, encore plus à notre époque. Voilà, t'as فقط une tesgia, n'am, il est bien, il a. Là, c'est pas que ça. On vit à une époque, on a l'insan, la boudia taharra. Et, قبل ذلك, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna, même les efforts que tu fais, tu connais pas la personne, vu que tu veux te marier avec, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite. N'am, là, cette précision pour pas faire peur à nos frères. Lianna, le bardi vont entendre ça, ils vont dire, c'est compliqué, l'an, pour se marier. Là. الإنسان يتوكل على الله. Tout ce qu'on dit, نحن, c'est من باب فعل الأسباب. لكن on fait les causes et on demande. أخيرا, troisième remarque, troisième point, احذر. Et on en a parlé, لكن on ajoute ce أثر هنا, ce كلام, احذر. الشد, الحذر, من مجالسة أهل الأهواء, أهل الأهواء والبدع. Fais attention de ne pas fréquenter أهل الأهواء والبدع. Fais attention. Ni pour la langue arabe, ni pour telle ou telle chose. Écarte-toi d'eux. Comme tu t'écartes de la peste. Ibn Battah, rahimahullah, al-imam al-kabir, al-sunni, fi kitabihi al-nafi' al-iban, qala i'lamu ikhwani, inni fakkartu fi sabab alladhi akhraja aqwan min al-sunna wal-jama'a. Ibn Battah, il a réfléchi, il a eu une réflexion. Pourquoi certains, ils ont délaissé la sunna? Ndaru, a'immatu al-din, comment ils réfléchissent? On a cité le hadith du sahabi qui a posé cette question, qui a demandé une réflexion. Et ta'ammalou hada sahaba. Ahyana, nahnu on doit réfléchir à kada. Pourquoi telle chose? Thumma, tu recherches la vérité fil kitab ou sunna, fi kalam as-salaf, et tu verras que tu avanceras titane dans ton din. Sahih, si on se pose cette question, pourquoi certains quittent la sunna? Ils étaient fi ni'ma, ils étaient fi khayr, bel certains avaient du ilm. C'est devenu min ru'us ahli al-bida. Limada? Qala rahimahullah. Il a dit, fawajadtu dhalik. من وجهين deux causes. Il a réfléchi, ثم il a trouvé deux causes. قال اولا البحث والتنفير وكثرة السؤال عما لا يغني ولا يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه. Le fait de rechercher des choses qui n'ont aucune faïda pour toi. Que tu ignores cette chose, ça te fera aucun mal. Que tu connaisses cette chose, ça t'apportera rien. Bardanès, ils ont des questions étranges dans des domaines et ils rentrent, hatta ils se font beaucoup de mal. Hatta Bardam, ils sont rentrés dans certaines thèses, dans certaines choses et ils ont eu des problèmes. Fi tawhid ar-rububiyya. Wallahi Bardam, ils sont rentrés dans des choses de très très loin et ils se sont égarés. Les choses, c'est très très simple. Fais des efforts, fi din, suis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Reviens au savant de la sunna quand t'as pas compris, tu seras fi salam. Bi-idnillah azza wa jal. Deuxième chose, qala wal akhar, la deuxième cause, mujalasatu man la tu'man fitnatuhu wa tufsid al-qulub suhbatuhu. Le fait de fréquenter des gens et cette fréquentation, tu ne seras pas à l'abri de leurs ambiguïtés et kadhalik ton cœur il sera exposé au danger. Fa kam min an-nas harafu à cause d'une mujalasa. Une jalsa. Une assise, une rencontre, et ils se sont égarés. فَنَتَّقِلَّهُ جَمِيعًا et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala أَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى الْحَقِّ حَتَّى نَلْقَاهُ إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكُ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ وَنَكْتَفِي بِهَذَا pour aujourd'hui. Le deuxième cours, وَلِلَّهِ الْحَمْدُ, on a fini le dernier cours, la risala de Cheikh Al-Fawzan sur At-Tawhid. Et prochainement, dans quelques jours, on débutera une nouvelle risala. بإذن الله عز وجل والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.